Le sacrifice. Malgré tous les efforts que Jean Uther avait pu faire pour cacher à sa femme la vérité, malgré la conspiration du silence sourdi par sa sœur et son beau-frère, Hélène avait fini par savoir que la peste était dans la ville. Elle en conçut d'abord un grand chagrin, puis ensuite et tout naturellement une grande frayeur. On prit toutes les précautions possibles pour qu'elle ne respirât point l'air empoisonné. On essaya de la rassurer par tous les moyens, mais sa nervosité excessive trouva là trop de sujets de se surexciter pour que la malheureuse n'en arrivât pas bientôt à être dans une sorte d'état de démence aussi redoutable pour sa vie peut-être que ne l'eût été la peste. Elle passait son temps aux aguets, car elle continuait de voir sans cesse l'homme noir qui la poursuivait, et c'est ainsi qu'un jour, derrière ses volets, elle aperçut le visage du comte Orlok qui, dans la maison en face la sienne, était à la fenêtre et semblait vouloir hypnotiser Hélène. Quand son mari entra dans la pièce, elle poussait des cris déchirants. « Là, là » disait-elle, « il est là !» Jean crut à une hallucination nouvelle, mais elle mettait en insistance cette fois et ses regards étaient dirigés sur un point si précis qu'il n'hésita pas à pousser les volets et à son tour il crut défaillir. En face de lui, dans l'habitation en ruine, s'encadrant dans une fenêtre sur un fond sombre, le visage qu'il connaissait bien, au crâne chauve et aux yeux luisants, ce visage pareil à celui de la mort était là. Orlok le regardait, Orlok ricanait, Orlok tendait vers lui ses mains aux doigts acérés. Quand il revint à lui, il pensa que peut-être il était victime de sa propre hantise. Il appela sa belle-sœur, son beau-frère, tous les deux virent la face effrayante de Nosferatu, et tous les deux comprirent que le maître de la terre de la mort noire était installé dans Visborg et couvrait le pays de ses ailes mortelles. Tout s'éclaira dans l'esprit de Jean Uther. Il revécut en quelques instants son voyage au pays des fantômes, la terreur des paysans, la fuite de ses conducteurs, son entrée dans le domaine bizarre du comte. Il se revit à sa table, il entendit ses propos. « Ah, comme il l'avait dit, quel joli coup à votre femme !» Il lui semblait revoir encore le misérable tenant dans ses mains la miniature dorée et se repaissant par avance du sang de cette innocente. Il évoquait la nuit épouvantable qu'il avait passée, Orlok se précipitant sur lui. Puis, quand il s'était sauvé du château, n'était-ce pas Orlok qu'il avait vu dans une tombe? La terre de la mort noire, tout s'expliquait. Ce démon avait été attiré dans Visborg par la blancheur d'Hélène. Il était venu s'installer là. Comment le chasser? Qui donc pourrait jamais parvenir à le tuer? Mais non, c'était peut-être des idées folles. Est-ce que lui aussi était gagné par la nervosité de sa femme? Est-ce que ce n'était pas plutôt les symptômes de la peste? Qui sait si le mal ne se présentait pas sous cette forme étrange? Toutes ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Il les exprimait presque à voix haute. Il éprouvait le besoin de les faire connaître. Il en parlait avec Hélène. Car maintenant il se rendait compte qu'elle n'avait pas menti. Il comprenait aussi que son ami Bulwer avait eu raison. Il cherchait comment il pourrait lutter contre le monstre. À toutes ces questions, il ne trouvait aucune réponse. Il constatait que dans tout Visborg, nul ne se rendait un compte exact de la situation. Les jeunes gens qui avaient aperçu le visage de Nosferatu dans l'encadrement de ses fenêtres sans vitres s'étaient enfuis, épouvantés, et n'étaient certainement pas de ceux qui se fussent présentés pour détruire cet individu de cauchemar. En parler aux savants de la ville était inutile également, puisque Bulwer avait essayé en vain de leur faire comprendre qu'il y avait dans les événements de ces dernières semaines une intervention qui dépassait le réalisme de leurs compétences. Bulwer lui-même, soit qu'il voulût tenir secrètes ses connaissances de démonologie, et en particulier sa science des vampires, soit au contraire qu'il pressentit que Nosferatu avait pour dernière victime Hélène et que cette malheureuse dut être la sacrifiée dans cette épouvantable aventure, Bulwer restait muet. Il se contentait d'apporter ses soins diligents à la femme de Uther, tout en constatant qu'au fur et à mesure que le temps passait, son état était de plus en plus inquiétant. Or, au premier jour du mois de juillet, comme la peste continuait de ravager Visborg et qu'on n'avait plus guère d'espoir de s'en délivrer jamais, Jean Uther eut avec sa femme cette conversation singulière. « Je crois, lui dit Hélène, que des temps nouveaux vont venir. » Un peu étonné par cette phrase prononcée sur un ton prophétique, Jean interrogea. Que veux-tu dire par là, ma douce aimée ? Je veux dire qu'un jour, et ce jour approche, Wisborg sera délivré de la bête maudite et vous vivrez heureux. Pourquoi nous ? Parce que je ne verrai pas votre bonheur. Il l'a pris dans ses bras. Tais-toi, tais-toi, comment peux-tu dire ces mots-là ? Parce qu'ils sont l'expression de la vérité. Mais y aura-t-il pour moi un bonheur, ma chère Hélène, où tu ne seras pas ? Mais oui, mon Jean bien-aimé, toi et tous les autres, vous reprendrez goût à la vie. Le vampire aura succombé sur son œuvre de mort. Puis elle continua de divaguer sans que Jean pût comprendre exactement le sens de ses paroles. Le fils de Bélial doit succomber comme les autres. Nosferatu, habitant des cercueils, doit retourner un jour à la terre et pourrir parmi les vers comme un simple mortel, car le mal est le mal, et sa puissance, si forte soit-elle, ne peut prévaloir contre celle de Dieu. Le jour où le vampire trouvera devant lui une femme pure et sans reproche, qui se sacrifiera volontairement et lui donnera boire son sang pendant la nuit jusqu'au premier chant du coq, ce jour-là, Nosferatu, fils de Bélial, succombera et la terre sera libérée. Toute la nuit, elle s'exalta dans ses pensées. Toute la nuit, elle prononça des mots incohérents, mais gardant ses yeux fixés dans la direction de la demeure du comte Orlok, elle semblait le défier. Jean essayait en vain d'apaiser sa fièvre. Il lui racontait les histoires de leur passé. Il voulait lui rappeler son enfance, leur tendre propos d'amour d'autrefois. Elle posait par instants ses yeux sur le visage de son bien-aimé, mais il ne s'y attardait point. « Oui, oui, disait-elle, mais ce n'est pas le temps d'aimer. » Il se désespérait. Il croyait que tout cela allait se résoudre par une crise affreuse de folie. Il veillait auprès du lit de la malade et essayait de lui dissimuler de son mieux la fenêtre maudite par où passaient les effluves du comte Orlok, mais il n'y parvenait point. Et quand lui-même se levait, soit pour prendre dans ses bras Hélène, soit pour lui donner quelques potions calmantes, selon les ordonnances de Bulwer, il lui semblait dans l'obscurité apercevoir le crâne nu et funèbre de Nosferatu, et il avait envie de s'enfuir. Il n'avait pas trop de toutes ses forces et de toute sa tendresse pour rester au chevet de sa femme. Quelques jours passèrent encore, puis, le 10 juillet, ce fut la nuit tragique. Dans la journée, Hélène s'était montrée particulièrement calme, et l'on pouvait croire que ses nerfs étaient au repos pour quelque temps. Elle avait parlé doucement avec sa sœur et avec son beau-frère. Elle avait échangé quelques tendres paroles avec son mari, tant et si bien que le soir venu, Jean lui demanda l'autorisation de se reposer. Ce qu'elle lui accorda volontiers, disait-elle, il devait être bien là. Elle dit donc au revoir à tout le monde et quand elle fut seule dans sa chambre, elle prit la précaution de fermer sa porte à clé le plus doucement possible afin qu'on ne l'entendît point, puis se coucha jusqu'à minuit. Elle ne dormit point. Elle avait entre les mains ces livres étranges qu'on lui avait interdits autrefois, mais dont malgré la surveillance la plus sévère, elle n'avait jamais interrompu la lecture. Elle en lisait les pages avec une attention profonde et une intensité qui se devinait sur son visage à l'expression sévère de son regard et à ses traits marqués. Elle ne semblait pas surexcitée, comme d'habitude, mais elle paraissait concentrer sa volonté et ses efforts pour ne se laisser distraire par rien. Enfin, les 12 coups de minuit sonnèrent. Au-dessus de la ville déserte, dans le silence quasi sépulcral, les heures tombèrent comme les coups de marteau d'un menuisier sur un cercueil. Hélène se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit toute grande. La nuit était baignée de clair de lune, au ciel des milliers d'étoiles. Au-dessus des toits et des clochers de la cité empoisonnée, il semblait qu'il y eût une atmosphère de sérénité qui incitait aux pensées pieuses et qui pouvait inspirer à des âmes illuminées le désir de se sacrifier pour que la terre fût aussi heureuse que ce ciel. Hélène, dès qu'elle respira l'air de la nuit, eut un frisson. Ce n'était pas seulement parce qu'elle avait eu froid, c'était aussi parce que, en face d'elle, dans la demeure en ruine, elle avait vu comme elle voyait depuis de longs jours, mais avec une netteté encore plus précise, la silhouette de Nosferatu, les longues mains tendues vers elle, et son regard de flamme qui semblait refléter l'enfer. Elle ne baissa pas les yeux. Pour la première fois, elle se sentait l'égale de cet homme et elle savourait avec une terreur mêlée d'orgueil, la joie certaine d'être, avant que vînt le jour, la meurtrière volontaire et grandiose du misérable. En effet, ce fut celui-ci qui subit son ascendant. Comme mu par une machinerie interne dont il n'eût pas été le maître, il quitta la fenêtre qu'il occupait habituellement, descendit les marches de sa demeure branlante, traversa le pont. Hélène aperçut son ombre fantastique, démesurément agrandie par le clair de lune, qui semblait en un moment voilée de crêpes toute la ville. Il arriva près de la demeure de Uther. Là, elle ne vit plus rien. « Comment nous feras-tu ? » parvint-il jusqu'à elle. « Nul ne le sait jamais. » Mais tout à coup, l'homme noir se trouva devant Hélène. D'abord, elle ne trembla pas. Elle s'était remise dans son lit. Elle attendait que le comte horloque fût son hôte, si l'on peut dire, et elle priait. Il s'approcha d'elle lentement. On n'entendait point ses pas sur le tapis. On eût dit qu'il glissait sur la laine et que d'invisibles ailes le portaient d'un bout à l'autre de la pièce comme un ange noir. Elle avait les yeux grands ouverts, elle le bravait. Elle sentait qu'il allait vers son destin mortel, malgré lui, et cela lui donnait un grand courage. Pourtant, quand elle vit contre ses draps blancs cette chauve-souris énorme, elle tressaillit. Ce crâne poli, ses yeux d'or, ses ongles acérés, aigus, dix lames, qu'elle frôlait son cou, elle n'osa plus regarder le comte. Elle poussa un petit cri vite étouffé, car elle s'attendait à sa brusque attaque et instinctivement avait porté les mains à son cou. Mais Nosferatu n'était pas pressé de boire la vie à cette coupe de résurrection. Il examinait Hélène, il la touchait de ses mains glacées, il souriait, se reculait, allait jusque vers la fenêtre et semblait chercher dans les astres on ne sait quelle inspiration magique. Après quoi il se rapprochait d'elle, posait sur son cou ses doigts cruels, puis se reculait de nouveau, allait et venait à travers la pièce, et se pourléchait comme eût fait un chacal devant sa proie inerte. Hélène respira à peine. Elle était comme dans un rêve, comme à la fin d'un cauchemar, quand on pressent que l'effroi qu'on vient de subir va disparaître bientôt, et que dans cette demi-inconscience qui précède le réveil, on ne ressent plus de douleur du cauchemar même. L'ange noir s'attardait. Elle ne demandait rien de mieux. Oh ! Pourrait-il passer ainsi toute la nuit? Pourrait-il savourer sa vision jusqu'à l'aurore? Et le chant du coq viendrait-il de ses notes heureuses, célébrer enfin la délivrance du monde? Le comte horloque s'était assis. Ce n'étaient plus les regards d'Hélène qui le fascinaient. C'était son cou, ce cou blanc, dont il avait parlé à Jean Uther avec tant de lyrisme. Ce cou qui avait hanté ses nuits comme une fleur. Ce cou qui était à la fois un lys, une rose, un calice, qui était du velours et du sang, qui était de la joie et de la vie. Ce cou qui était comme une aile blanche. Ce cou qui attirait l'ange noir, comme l'ange de lumière éblouit le démon. Il se levait, revenait vers le lit, caressait d'une main qu'il essayait de faire aussi douce que possible ce cou délicieux. Puis, apaisé par son contact, il revenait prendre place dans son fauteuil et se gorgeait de plaisir intime, comme un avare, qui suppute les satisfactions qu'il tirera de ses richesses avant de tenir son or entre ses doigts. Tout à coup, il se décida. Il se précipita vers Hélène, la saisit à la gorge, lui enfonça ses ongles dans la peau, égoulument comme une bête, but le sang qui sortait des plaies, et dont chaque goutte redonnait à ses membres rigides la chaleur et la jeunesse. Hélène s'était à peine débattue. Elle était déjà en extase, elle subissait cette souffrance atroce, ses mains impures, cette bouche immonde, car elle avait sous ses paupières le plus beau spectacle qu'un mortel puisse contempler, celui d'un paradis bleu, où les légions immortelles des anges sonnent, pour celles qui se sacrifient, de leurs trompettes d'or. Et ce chant triomphal, ce chant qui fait crouler la nuit comme une Jéricho, retentit soudain auprès d'elle, emplit sa chambre de son hymne ensoleillé, s'épandit sur la ville en ondes sonores, frappa toutes les vitres de toutes les maisons, se heurta à tous les toits, à tous les clochers, frissonna dans les arbres des campagnes, flotta au-dessus des moissons. C'était le chant du coq qui venait dire à Wisborg, aux habitants de la ville et aux paysans de sa banlieue, la peste est finie, le vampire est mort. En effet, on entendit dans la chambre d'Hélène un grand bruit. D'un coup d'épaule, Jean, sa sœur et son beau-frère pénétrèrent dans la pièce où reposait Hélène. Quand ils arrivèrent, ils furent cloués sur place par ce spectacle inattendu. Le comte horloque, le visage décomposé, verdi, déjà rongé de pourriture, était étendu sur le tapis et dans une gloire blanche, comme une grande fleur coupée, Hélène, dans son lit, reposait, plus belle que l'aurore. Jean se jeta sur elle, la saisit dans ses bras, la pressa contre son cœur. Elle ne bougea pas. Elle ne respirait pas. Son cœur ne battait plus. Mais elle avait sur les lèvres le sourire épanoui des bienheureuses. Et dans l'instant que Jean la reposa sur sa couche, toutes les cloches de Wisborg se mirent à sonner et mêlèrent leurs carillons au chant de tous les coqs de la ville. Tout le monde était sorti sur le pas des portes malgré l'heure matinale, et vers le ciel montait le concert immense des remerciements au Seigneur. Bulwer se présenta chez Jean. Il le trouva si désolé, si désespéré, qu'il n'osa rien lui dire, mais prenant à part le beau-frère de la morte, « Bénissez-la, dit-il, chantez ses louanges, c'est à elle que nous devrons de vivre. » C'est ainsi que nous avons pu reconstituer, d'après les documents que nous avons eus entre les mains et les archives, cette histoire que nous a racontée un soir dans les Carpates une vieille femme encore émerveillée. Nous l'avons rapportée telle qu'on la dit toujours aux enfants dans les lointains villages de Transylvanie et jusque dans ce pays des fantômes, aujourd'hui débarrassé du comte Orlok, et où les prairies verdoyantes, les arbres fruitiers et les blés ont remplacé les marais pestilentielles et ont transformé pour le bien des hommes la terre de la mort noire. Ainsi s'achève Nosferatu le vampire par Hughes Shelton.